charrue de ses souvenirs. Tu ressembles à ces chercheurs d'or qui auraient un secret. C'est joli. Je sais même pas si on entend ma guitare. Mais... Elle est pas accordée. C'est le spectacle de ma femme. Ah! Félicitations à toi. Mais là, je... D'accord. Je sais pas si je suis accordé. Est-ce qu'on peut accorder comme ça? Ah mais non, ça suffit quand quelqu'un s'accorde. Attends, j'enlève mon son.